Lady Hamilton, par Villiers de l'Isle-Adam, chapitre 1er. L'exquise et ténébreuse créature dont il faut retracer la vie fut douée de tous les charmes inexprimables qui tourmentent l'imagination des rêveurs. Les médaillons du temps et les miniatures où Lady Hamilton est représentée dans les aptitudes intimes qui exaltaient l'affection de son mari dissipaient l'ennui d'une reine passionnée et ravivaient les sympathies de quelques perverses admiratrices, justifient les louanges enthousiastes qu'elle inspirait aux brillants esprits de son époque. Toutefois, à l'aspect de cette délicate et funeste beauté, on déplore les fatalités de milieux qui favorisèrent, dès l'enfance, les instincts corrupteurs et les précoces dépravations de cette femme d'aventure. Emma Hart, ou s'il faut tout dire, Emma Lyanna, car elle fut ainsi appelée par Marie-Caroline de Sicile, naquit vers 1760 en Angleterre, dans un village du comté de Chester, et fut placée par les soins maternels en qualité de servante chez une bourgeoise de Londres. Elle avait alors 16 ans. Deux mois après son entrée chez cette dame de mœurs paisibles, comme l'extraordinaire beauté d'Emma produisait dans le ménage des troubles inconnus, sa pieuse maîtresse, après s'être emportée, lui signifia de s'en aller sur l'heure. La pauvre enfant se réfugia le soir même dans une taverne d'artistes de la cité. On s'accorde à penser, et Lady Hamilton l'a depuis affirmé elle-même, elle avait conservé jusqu'alors toute son innocence. Elle versa donc le porter, le whisky, ouvrit et ferma les devantures de ce bar, fit bonne mine aux habitués et, après avoir charmé ses hôtes, quitta cet établissement. Nous la retrouvons en 1778, fille de chambre chez une lady qui lui laissait plus de liberté. Emma Hart sentit alors s'éveiller en elle le goût des théâtres, des oripeaux, des parades illuminées, et s'exerçait à déclamer dans sa chambre les rôles qu'elle avait entendus la veille. Une occasion se présenta bientôt de mettre en pleine lumière les séductions de sa personne et de ses talents ingénus. Elle joua devant quelques jeunes gens et l'un d'eux, transporté d'une admiration violente, l'enleva. Elle vécut avec ce jeune homme et lui fut dévouée au point que dans une presse exécutée sur la Tamise, où il avait été compris et incarcéré, elle vint trouver le capitaine John Willet Payne et obtint la mise en liberté de son amant. Plus tard, Emma Hart, qui se souvenait, ne fut pas étrangère à la nomination que reçut Sir Payne. Mais à l'époque où elle obtint de lui cette grâce, elle crut devoir déjà le récompenser en lui accordant ses faveurs. Peu de temps après, elle fut enlevée de réchef par le chevalier Featherstone Howe, qui l'entretint d'une façon magnifique. Elle s'habitua dès lors à mener une existence de luxe et de plaisir, et quand le chevalier, après 5 ou 6 mois, l'abandonna brusquement, ce dut être pour elle une chose plus que jamais pénible de se retrouver dans un dénuement qu'elle avait oublié. Elle se fit courtisane et réduite à chercher du pain, le soir, dans les ruelles sombres qui avoisinent Saint-Paul, courant, glacée par le brouillard, sous le beffroi de l'église, coudoyée par les voleurs qui marchent dans le vent, la charmante fille dut alors entendre plusieurs fois tomber sur elle de hasard de minuit. Ce fut alors qu'elle fit la rencontre d'un certain Sir Graham, docteur en médecine, ou plutôt sorte de charlatan des plus habiles et qui avait imaginé le plus étrange commerce.